Chapitre 5e. Ce nom ne fut guère plus heureux que le précédent sous le rapport de la moralité. Il appartient à la honte comme l'autre à la damnation. Tous deux relèvent du péché, et en cela, ils semblèrent s'être entendus pour remplir tour à tour de scandale l'âme timorée et puritaine des assistants. Ce nom flétri, déchiré par l'histoire, était celui de Messaline. Le premier mouvement de l'assemblée fut de le repousser dans les ténèbres comme indigne de mériter une attention quelconque. Le second, plus réfléchi et meilleur, fut de savoir si celle qu'il avait si affreusement illustrée comme femme et comme impératrice n'avait pas obtenu son pardon par quelque acte inconnu sur la terre. De ces deux sentiments, ce fut celui-ci qui l'emporta. D'ailleurs, il y a des vices, des crimes, que les études classiques ont rendu si non respectables, du moins si tolérables, qu'ils ont droit de citer partout. Le charme du commentaire a obtenu grâce pour l'abomination du texte. Le disant, écrirait Montaigne, a sauvé le faisant. Ainsi, rien qu'à ce nom fameux dans la belle latinité, tous les érudits répandus dans la salle levèrent curieusement l'oreille et murmurèrent les premiers vers de la superbe satire 6e de Juvénal, Credo pudicitiam, Saturno rege, moratam, etc. Il fut donc convenu qu'on saurait par Socrate ce qu'était devenue Messaline depuis 1900 ans environ, qu'elle avait quitté la terre, inconsolable de sa perte. Tandis que le président Daniel, peu remis encore de ses fortes secousses, se recueille, nous indiquerons au lecteur qui a la complaisance de s'instruire avec nous des mystères du spiritisme, un groupe assis aux premières banquettes, place d'honneur qui forme l'hémicycle, au milieu duquel siègent M. Daniel et son digne médium. Un homme, jeune encore, une femme moins belle que lui, fort belle, d'une physionomie calme et modeste, tous deux du meilleur monde, en jugés par leur mise, forment ce groupe sur lequel nous dirigeons et concentrons toute l'attention de notre bienveillant lecteur. Maintenant, écoutons de notre meilleure attention l'infatigable chef du spiritisme interpellant une des dernières fois le non moins infatigable Socrate. Il s'inspire et appelle « Socrate, Socrate ». La main du médium a frémi. « J'écoute, » répond Socrate. « Veuillez nous dire la destinée de Messaline dans le monde des esprits. Vos ordres vont être exécutés sur le champ. » Ce « sur le champ » dura, à vrai dire, plus d'une heure. Socrate ne reparaissait pas. Avait-il trouvé à causer sur la route avec Théophraste ou Platon? À quelle cause attribuer un retard moins facile à expliquer que les autres déjà subis pendant la soirée? Socrate n'était sans doute pas retourné aux États-Unis, mais Messaline n'avait aucune raison pour s'égarer dans l'Inde comme Satan. Ce ne fut qu'au bout d'une heure et demie que le sage des sages nous apprit son retour par un frémissement articulé dans la main de notre médium. Il apportait sa réponse. Socrate n'avait rencontré Messaline dans aucun endroit du royaume des ombres. Vainement avait-il parcouru tous les quartiers de ce monde, plusieurs millions de fois plus vaste que celui que nous habitons. Vainement avait-il demandé aux agents inférieurs, chargés d'une surveillance particulière, quel recoin nébuleux cachait la terrible et cynique épouse de l'empereur Claude. Personne n'avait su lui donner une réponse satisfaisante. Pourtant, Messaline représentait un être trop important, par sa formidable individualité, pour échapper ainsi à l'éternité. Elle n'a aucun droit au néant. Alors, comment interpréter cet insuccès de Socrate, lui qui, jusqu'ici, à quelques hésitations près, avait si facilement mis en rapport la terre et les dépendances de la sphère dont on revenait assez peu avant la découverte du spiritisme? Interrogé sur l'incident de cette disparition, Socrate confia au médium, son premier secrétaire, ce que nous avons exposé nous-mêmes plus haut, c'est-à-dire que, lorsque pareil événement se produisait, il y avait quelque motif de supposer que l'âme disparue était allée habiter un autre corps dans l'univers, et que c'est par conséquent dans l'univers qu'il fallait aller à sa recherche. Mais, ajouta-t-il, très souvent aussi elle va se loger dans une autre planète que la Terre, planète dont l'accès nous est difficile, hostile, par des raisons trop longues à déduire ici. Et dans ce cas, l'enquête est longue, parfois impossible. L'âme est considérée alors comme introuvable et l'on abandonne toute recherche. Ainsi, dit le président Daniel, après avoir remercié Socrate au nom de l'Assemblée reconnaissante pour tous les services qu'il avait déjà rendus au spiritisme, Ainsi, Messaline, absente de la place où il paraissait vraisemblablement que vous la rencontriez, anime de nouveau un corps, soit dans l'une des innombrables planètes de l'univers, soit même sur la Terre qu'elle a une première fois habitée au commencement de notre ère. Je le crois, répondit Socrate. Puisqu'il en est ainsi, dit le jeune homme, assis auprès de la femme que nous venons de désigner dans le pourtour de l'hémicycle. Pourquoi, monsieur le président, ne prieriez-vous pas l'officier Socrate de s'assurer si Messaline est ou n'est pas revenue sur la Terre? Il serait pour nous tous qui sommes ici fort intéressant, je présume, d'apprendre quel rôle nouveau cette femme aux mœurs dissolues, si atroce, joue dans le monde sans savoir elle-même sans doute ce qu'elle a été il y a 19 siècles. La parole facile, l'accent pur, agréable, les bonnes manières de l'orateur lui gagnèrent sur le champ toutes les opinions qui se hâtèrent de se ranger à la sienne pour engager le président à solliciter de Socrate qu'il voulut bien, au grand désir de l'assemblée, rechercher si l'infâme Messaline était redescendue par hasard parmi les habitants de la Terre et quelle partie de notre globe elle habitait en cette année 1859. Cette fois, l'expédition ne fut pas longue. Une minute environ après son départ, Socrate revint dire ses mémorables paroles à l'assemblée. Non seulement j'ai appris que Messaline avait repris une forme corporelle, qu'elle était revenue sur la Terre, mais j'ai appris aussi qu'elle était ici, parmi vous, dans cette aimable réunion. Ici, dans cette réunion, parmi nous ? Bien d'autres cris joints à ces cris sortirent de la salle et s'épanouirent en gerbes comme des feux d'artifice dans une nuit d'obscurité. On était étourdi, ébloui, aveuglé de la chose. Quoi ? Messaline était l'une de ces femmes, tranquillement assises ici ou là, au premier rang ou dans les galeries ? Quoi ? L'impudique épouse de l'imbécile Claude portait des plumes ou des marabouts, des fleurs ou des rubans ? Elle causait avec sa sœur ou sa mère, son père ou son mari ? Le mari de Messaline ? Pour de telles surprises dans la vie, les expressions sont encore à naître sous la plume des prosateurs et des poètes. On constate son insuffisance à en rendre les effets, et l'on n'a plus ensuite de compte à régler qu'avec la vérité. Après l'éclair et la détonation de cette surprise, la réunion spiritique sembla hésiter sur le point fort, délicat de savoir s'il convenait ou non de prier Socrate de désigner hardiment celle de ces dames présentes qui logeaient dans son corps l'âme infernale et voluptueuse de la grande dépravation romaine. Les avis se partageaient. Une pareille dénonciation offrait quelque péril. D'un autre côté, quelqu'un osa rompre l'obstacle de l'hésitation. Ce fut encore le jeune homme qui avait engagé le président Daniel à évoquer Messaline. Il prétendit qu'on n'affrontait pas certaines opérations magnétiques ou magiques avec les scrupules étroits et fastidieux du grand monde, que la curiosité, en pareil cas, avait besoin d'être éclairée comme la chirurgie et l'anatomie. Pour se résumer, il dit « Je vois beaucoup d'inconvénients à laisser planer sur chaque femme qui va sortir de cette enceinte le soupçon déplorable qu'elle est Messaline, tandis que si Messaline est réellement parmi nous, je ne vois aucun mal à ce qu'une impure de cette taille soit dévoilée et courageusement dénoncée à tous les regards honnêtes. » Quand le jeune homme eut cessé de parler, le médium se leva à son tour et demanda au président la permission de dire quelques mots sur la question. Il était de son devoir d'annoncer les phénomènes particuliers auxquels il fallait de toute nécessité s'attendre, si l'on tenait toujours à connaître celle des femmes présentes qui servaient d'enveloppe nouvelle à l'âme de la prostituée antique, de la courtisane couronnée. Voici quels seraient ces phénomènes. Son esprit, appelé par la puissance du médium, quitterait son corps et retournerait, ainsi que nous l'avons pareillement indiqué au commencement de ce récit, dans le royaume des abstractions. Là, il subirait, au gré du médium, l'interrogatoire accoutumé. Mais tout le temps que durerait cet interrogatoire, le corps abandonné par l'esprit ne bougerait pas. Il garderait sur la terre l'état d'immobilité complète ou du sommeil. L'interrogatoire achevé, l'esprit rendu à sa liberté et revenu sur la terre, rentrerait dans le corps de la femme endormie et aussitôt elle s'éveillerait, n'ayant rien su, ne sachant rien des choses accomplies pendant son voyage léthargique du fini à l'infini. Ces éclaircissements donnés, l'assemblée persista dans son vœu qu'on arracha le voile à Messaline. « Puisqu'il en est ainsi, dit le président, je vais prier Socrate de nous mettre en rapport magnétique avec l'esprit de Messaline, mais bien entendu, sous les conditions de convenance et de décence dont ne doit jamais se départir une société anglaise respectueuse envers elle-même et les autres, me réservant d'ailleurs la faculté de lever la séance si ces conditions ne me semblaient pas rigoureusement remplies. M. Daniel s'écria ensuite « Socrate, êtes-vous là ?»« Parbleu, si je suis là !» Si Socrate ne dit pas précisément « parbleu », il se servit de l'expression anglaise qui signifie « parbleu ». Ayant reçu sa mission officielle du président, Socrate se mit tout de suite en devoir d'extraire l'âme de Messaline du corps de la femme assez heureuse pour enfermer le trésor de cette belle âme. Que se passa-t-il en ce moment dans le cœur de toutes ces femmes exposées à l'erreur ? Quelle erreur ! D'être prise pour Messaline, je l'ignore, je le devine. Mais leurs inquiétudes, qu'elles fussent plus ou moins bien fondées, tombèrent, je l'assure, devant le tableau sans précédent dont chacun de nous fut témoin. La femme du jeune homme si âpre à vouloir démasquer sans pitié, sans ménagement, la Messaline égarée dans sa réunion, inclina d'abord la tête comme sous le poids du sommeil. Puis cette inclinaison augmenta, elle augmenta encore. Le menton, après avoir oscillé de droite à gauche, elle a touché sa poitrine, s'y colla et y resta. Puis l'immobilité se fit, puis la femme ne bougea plus. Et quand Socrate dit « L'âme de Messaline, extraite de son corps, vient de quitter totalement la terre, et le médium la tient en sa puissance. » La femme, lourde, inerte, comme une masse de plomb, tomba sur l'épaule de son mari. Le mari se leva soudainement, comme poussé par un ressort d'acier. L'assemblée entière, qui n'avait rien perdu de cette scène, se fendit sous l'effort d'un immense éclat de rire. La Messaline évoquée par lui était sa femme, sa femme. Homme de prudomie et de bon goût, le président donna l'instant même ses ordres au médium. Celui-ci les transmit à Socrate, et aussitôt, l'âme de Messaline, qui avait été pompée là-haut, fut refoulée avec la même vitesse dans la belle dame, qui s'éveilla sans se douter de rien. Son mari ne lui laissa pas le temps de s'informer du motif qui attirait tous les regards sur elle et sur lui. Il la prit sous le bras et l'entraîna hors de la salle sous un prétexte quelconque. Ils s'éclipsèrent. Le public se livra alors sans contrainte à toute son hilarité. Le spiritisme n'est pas toujours aussi fou dans les spectacles publics qu'il étale. Il était dans ses jours heureux. Le dernier épisode de la soirée, que pour ma part, je croyais fini par cet épilogue, allait m'offrir un divertissement presque aussi gai que celui dont nous sortions. J'avais oublié le matelot, qui ne s'oubliait pas, lui. Le redoutable interrupteur, échappant à ses gardiens dès qu'il les vit occupés à leurs préparatifs de départ, s'élança devant le fauteuil du président et lui cria d'une voix formidable, comme s'il eût ailé un vaisseau en pleine mer, « Master Packington, ohé, Master Packington, Master Packington !» Mais la séance est finie. Eut beau lui dire le président, « Je veux Packington !»« Tu veux Packington ?»« Oui, j'ai payé pour cela !» Déjà en marche pour sortir, la foule pivota sur elle-même et s'arrêta afin de voir quelle décision serait prise à l'égard de ce forcené, de cet enragé, qui ne demandait pas de son éternel Packington. Il n'y avait pas à lui refuser ce qu'il demandait avec une telle insistance. Il eût dévoré le président et le médium comme un sandwich en les mettant l'un sur l'autre, beurre et jambon. Calme jusqu'au bout, le digne président lui dit « Voyons, mon ami, qu'est-ce donc que ce Packington ? Est-il votre frère ? Est-il votre père ? Est-il... Il est mon capitaine, le capitaine Packington. Il a un frère, James Packington, qui est marchand de suif et de goudron à Yarmouth. Une sœur, Harriet Packington, qui vend des crevettes à Yule. Mais lui, c'est Henry Packington, ou comme on l'appelle, le capitaine Packington. Très bien, nous disons qu'il est capitaine. « Oui, mon petit saumon. Je ne suis pas un petit saumon. Revenez au capitaine. M'y voilà. J'ai servi sous lui à bord du Louvre le prince noir, que nous appelons lui ainsi pour rire, parce que, voyez-vous, nous chargeons constamment du charbon à Newcastle pour la Tamise sur ce lougre-là. C'est le roi des lougres. Je vais vous parler de ce lougre. Du tout. Parlez-nous et très vite du capitaine Packington. Oui, mon petit homard. Je ne suis pas un petit homard. C'est bien. » « Ce que vous désirez, c'est d'être mis en communication avec le capitaine Packington, n'est-ce pas ? C'est ce que je veux. Je veux causer avec lui, là, les coudes sur la table, comme deux camarades que nous étions. » « Ah ! Quel plaisir, quel bonheur ce serait pour moi de l'entendre parler comme au temps où il était simple matelot comme moi. Je vais vous dire ce qui m'a empêché, moi, de devenir capitaine. Parlez du capitaine Packington. Oui, mon petit turbo, je ne suis pas un petit turbo. C'est bien. Hâtez-vous, la nuit s'avance, les expériences sont finies. Que désirez-vous savoir sur le capitaine ou du capitaine Packington? Voilà ce que je désire savoir. Outre que je suis matelot, et bon matelot charbonnier, je m'en flatte, je suis aussi forgeron et chauffeur. Or, connaissant le service de la forge et de la machine, je veux demander au capitaine Packington, qui est de bon conseil, si je dois aller en Chine où l'on me propose d'embarquer pour un bon prix, comme forgeron ou comme mécanicien. Ensuite, en voilà assez, je vais évoquer l'esprit de votre ancien capitaine. Faites silence. Oui, mon petit hareng, je ne suis pas un petit hareng, c'est bien. Mais pour évoquer l'esprit, il faut que je sache en quelle année est mort le capitaine Packington. En quelle année est-il mort? Comment? En quelle année est-il mort? Sans doute. Je vous répète que pour évoquer son esprit, il est indispensable que je sache. Mais le capitaine Packington n'est pas mort. Comment il n'est pas mort? Non! Il est actuellement marchand de voile, d'encre marine et de cordage à Newcastle. Lui mort? Jamais mort! Et vous voulez que j'appelle ici l'esprit d'un homme qui n'est pas mort? Vous êtes fou! C'est vous qui êtes fou! Moi? Le président Daniel? Fou? Vous-même? Voyons, quel est le fou de nous deux? Vous vous croyez le pouvoir de faire venir du fond des siècles l'esprit des morts, de les faire parler tant que cela vous plaît, et vous n'avez pas le pouvoir de me faire causer 5 minutes avec un brave homme qui est vivant, qui n'est qu'à quelques milles d'ici, à Newcastle? Ici, comme à la scène de l'évocation de Messaline, le rire éclata à pleine bouche parmi la foule toujours arrêtée pour connaître la fin de ce dialogue entre ces deux étranges personnages. Mais je n'oserais affirmer que les rires furent cette fois l'expression d'une moquerie dirigée contre le franc-marin, le matelot charbonnier de Newcastle. « Voyons, termina-t-il, pouvez-vous, oui ou non, une dernière fois, me faire causer avec mon vieil ami, le capitaine Packington ?»« Dieu vous confonde !» dit le président en quittant fièrement l'hémicycle pour gagner la porte. « Vous ne voulez pas ?»« Eh bien alors, vous n'êtes qu'un marsouin !» lui cria le matelot tout en marchant derrière lui comme s'il eut l'intention de l'harponner, et le visage tout enflammé de colère contre le spiritisme et les spiritiques. « Je ne suis pas un marsouin. Pire que cela, un vieux marsouin. » Le reste de cette dispute se perdit pour moi dans la confusion de 1000 propos fort animés dans le bruit des pas, le frôlement des robes, d'une sortie générale. Tel est le tableau fidèle, à quelques nuances près échappées à ma mémoire, de ce qui m'a été donné de voir et d'entendre à la grande séance de spiritisme de Brighton. Si vous me posiez maintenant cette grave question, croyez-vous ou ne croyez-vous pas au spiritisme? Je vous répondrai, il faut bien passer sa soirée. Ainsi s'achève Une soirée passée dans l'autre monde par Léon Gosselin.